Pense à mon futur, oh mec tout. Pense à mes potos, je pense à tout. Lunettes teintées car j'ai les yeux rouges. Lunettes teintées car j'ai les yeux rouges. Je pavane seul tout longue et la route. Au pénave sans bandit, lâche qu'un bestou. Prends sur moi c'est rien mais je sais tout. Juste j'attends le bon moment pour en découdre. C'était le sang maintenant je te vois en chelou. T'es pas le fou, on s'est confond, toi t'es cool. J'ai la touche papa avec que je fais la boule. J'appelle Tara Clique pour faire la boule. Elle est là pour le rap mais je m'en bats les couilles. Et c'est là que je démêle quand je lui mets des coups. Quoi qu'il arrive, je me battrai toujours. En vaillant, on n'a pas peur de manger des coups. Je m'en rappelle les métaux, retourner tout. Il est qu'au Giro, il y en avait partout. Pour revenir au passé, moi je donnerai tout. Pour revenir au passé, moi je donnerai tout. Trafic de me cas, trafic de me hard. Du doré planqué dans le placard. Tout est noir, je suis perdu dans le brouillard. Le Smith et Wesson va trouer tous ces trouillards. Tu veux du produit, rentre dans le laboratoire. Y'a ces max à la ville, qui t'a crié sa patte. Posé sur le terrain, j'attends les mappés. Y'a mon gars dans le sud qui fait des plans en carnat. Toi, ça va te fumer en Clio 3. Crois que mes unis d'une calage comme dans les chevaux, pilote couleur ananas. J'ai les yeux rouges, mon démon refait surface. Dans le poche derrière, la frappe de Mark London. Dans le poche derrière, la frappe de Mark London. Je vais niquer tes morts si tu touches nos petites sœurs. C'est difficile, déjà maintenant, gros, c'est mon heure. Toujours des haineux qui veulent pas qu'on avance. J'pense à tout, j'pense à nous, à notre enfance. J't'ai laissé de l'avance, mais quand même j'te devance. C'est le travail qui paye pas la triche ni la chance. La concu derrière ne suit pas la cadence. C'est Jaco, la mélo qui mène vers la danse. Parlons business, mais comment on s'arrange? Si chiffres n'ont que ça, comme ça on s'arrange. Tu fais du sale à la minute. Tu fais du sale, faudrait que tu luttes. Le bigot sonne toutes les minutes. C'est pas la daronne, mais ta copine. Elle m'a pris pour un salaud. Donc je l'ai pris pour une salope. Comme Pablo, je vais sans Zeyo. Comme Pablo, je vais sans Zeyo.